que je suis là, je suis d'ailleurs toujours là à l'attendre. Est-il possible de t'en souffrir sans pouvoir en mourir, ni même en rire, ni même se défendre? Et chaque nuit j'attends misérablement. Je sais, je fais pitié. Oh, ça m'est égal, mais réponds-moi, réponds-moi. Et je regarde le ciel, mes yeux mouillés se voilent. Je plonge dans les nuages, je m'accroche aux étoiles. Je contourne la lune, soudain je tombe sur terre. Je suis tout seul, j'ai mal, je supplie et je crie. Héloïse, Héloïse, à lui donner. Mon Héloïse, tu vas m'entendre, tu vas venir, tu vas rester. Ma tête explose.